Tacoma, et la tête. Chef Tacoma, et la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Je te plumerai le bec. Je te plumerai le bec. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Oh, oh, oh, oh, oh. Alouette, gentil alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le nez. Je te plumerai le nez. Et le nez. Et le nez. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Je te plumerai le dos. Je te plumerai le dos. Et le dos. Et le dos. Et le nez. Et le nez. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Oh. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou. Je te plumerai le cou. Et le cou. Et le cou. Et le dos. Et le nez, et le nez, et le bec, et le bec, et la tête, alouette.